FrenchPod.com. Petit Amaury, tu sais qui je suis? Oui, tu es le père Fouettard. Alors, tu sais pourquoi je suis venu? Tu as été vilain. Moi? Mais non, tu t'es trompé de maison. Je suis un gentil petit garçon. Je n'ai rien fait de mal. Ce n'est pas beau de mentir. Je vois tout. Par exemple, tu as cassé la fenêtre des voisins. Mais je ne l'ai pas fait exprès. Je jouais au foot. C'était un accident. Et quand tu as écrit sur la table avec le rouge à lèvres de ta maman, c'était un accident? Ce n'est pas ma faute si je n'avais plus de crayon de couleur. Plus d'excuses. Il te reste 2 semaines avant Noël pour changer de comportement. Sinon, tu sais ce qui t'attend. Non! Maman! Papa! Je suis désolé. Je ne ferai plus de bêtises. Je serai sage. Je le promets.